Pour trouver un bon épi de maïs, il faut couper des milliers de pieds, parfois jusqu'à 2 hectares. Pour une bonne récolte, il faut se munir d'une faucille, ainsi que parfois d'une cagoule et de gants de latex pour l'hygiène. Il est aussi recommandé d'agir dans le silence le plus complet, de façon à ne pas faire peur au grain. Voilà, vous avez votre épi. Ensuite, il faut égrainer le maïs. Ah zut, il est tombé dans la poubelle. Quel dommage. Il va falloir aller en recouper. Lactylate de sodium, propionate de calcium, acide d'ammonium et le truc qui termine en hum. Dextrose, glucose et plein d'autres choses. C'est le rap de la malbouffe. C'est le rap de la malbouffe. Comme dans les années 80, on a toujours faim. C'est le rap de la malbouffe. C'est le rap de la malbouffe. Mais on va pas en dire plus, car après, on va jamais.